pour quelques raisons, quand je fais le partage, je perds tout. Est-ce que vous m'entendez? OK. Alors, ce matin, on va faire Ésaïe chapitre 24. Faut savoir que Ésaïe chapitre 24, en fait, ça fait partie d'un petit bloc de quatre chapitres, 24, 25, 26, 27, où c'est comme si on sortait temporairement de ce que le prophète est en train d'annoncer aux nations de son époque, les époques, les siècles à venir, pour nous donner une autre dimension. Puis dans l'autre dimension, c'est vraiment ce qui se passe pour les nations sur la terre, Israël et toutes les nations. C'est aussi la joie que ça donne au sein de savoir que Dieu va restaurer toutes choses, puis qu'on va vivre éternellement dans la paix de Dieu. Le chapitre 24, c'est celui sur lequel on va se concentrer. Mais si vous faites la lecture de cette partie du texte, je suggère de lire 24 à 27 comme d'un bloc, parce qu'à 28, on retourne aux nations de l'époque du prophète. D'accord. Alors, la question que je vous pose, qui va être là tout le long, c'est que ce qu'on lit dans Ésaïe, c'est pas pour vous, là, mais ça ressemble à notre époque. Puis, la question, c'est comment vous vous sentez, vous, aujourd'hui? Est-ce que ça vous laisse indifférent? Est-ce que ça affecte votre vie? Le fait qu'il y a une pandémie, que pour une fois, toute la Terre est alignée sur le même problème. On parle de crise économique, mais en fait, on n'en parle pas vraiment parce qu'on essaie de nourrir le monde, en tout cas dans notre pays, en nous apaisant financièrement. Mais il y a quand même une crise économique. Il y a des magasins qui ferment, il y a toutes sortes d'affaires qui ferment, des entreprises qui ferment. Le changement climatique, on peut en penser ce qu'on veut, mais il y a quand même des phénomènes sur la Terre qui se produisent, des ouragans comme on n'a jamais vu, des tremblements de terre, toutes sortes de choses. Et restriction des libertés civiles, c'est ce qu'on vit présentement, puis ça peut nous affecter de différentes façons, ça dépend de ce qu'on vivait. Si je suis habitué d'être chez moi, puis de rester chez moi, puis faire mes petites affaires, bon, ça vous affecte peut-être pas. Si vous êtes habitué de vous promener, d'agir avec plein de monde, d'intervenir auprès des gens, ben là, ça vous affecte peut-être un petit peu plus. Fait que la question se pose, dans quel état est-ce que est votre âme? Est-ce que votre âme est paisible? J'aimerais lire dans un premier temps un texte dans 1 Pierre chapitre 1 avant d'aller dans Ésaïe. Pourquoi? Ben parce que c'est à nous qu'il parle. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux à vous, qui, par la puissance de Dieu, pas par la vôtre, par la puissance de Dieu, être gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Et je mets en jaune ce qui doit attirer notre attention ici, parce que peu importe ce qu'on vit dans notre époque, puis même dans le petit contexte personnel, cette nouvelle-là, c'est ça qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une voix ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ça c'est à nous, c'est ce qui devrait remplir nos pensées plutôt que d'écouter les nouvelles à tous les jours. Je préférais lire ce passage-là plutôt que d'écouter LCN ou peu importe. Les prophètes qui ont prophétisé, et là on parle d'Ésaïe entre autres, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Jésus est venu, il n'est venu pas pour juger, il est venu pour sauver, il est mort sur la croix à notre place,

ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire, en présence de ses anciens. Ce qu'on va regarder dans le texte, c'est les 7 points qu'il y a là. Qui amène les malheurs? C'est à qui les malheurs? Pourquoi les malheurs? C'est quoi les effets des malheurs sur le peuple et les nations? C'est quoi les effets sur les enfants de Dieu? C'est quoi les effets sur le prophète? Puis, on va regarder la promesse d'une restauration complète au jour du Seigneur. En fait, on va juste commencer à en parler parce qu'à la fin de 24, nous introduit à ça. 25, 26, 27 ne parlent que de ça, de la promesse d'une restauration complète. Mais le texte, il faut le regarder, puis il faut se poser la question aujourd'hui. Posez-vous les mêmes questions aujourd'hui. Hey, qu'est-ce qui fait que ce qui se passe sur la terre là, présentement, là, c'est-tu le fruit de la pensée des hommes? Tu sais, au temps d'Ésaïe, les Assyriens se préparent à attaquer Israël. Israël met sa confiance en l'Égypte, puis il y a des messagers qui se promènent d'un bord puis l'autre, tout ça. Il y a toutes sortes de mouvements humains. Mais c'est qui dirige? Pourquoi il fait Dieu? C'est ça qu'on va regarder ici. Posez-vous les questions aujourd'hui. Qui amène les malheurs? Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Si l'Éternel l'a décrété, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est intéressant ici dans le texte, c'est que Ésaïe ose dire que ce qui se passe, c'est Dieu qui l'a décrété et c'est Dieu qui le fait. Comment il fait? Ben c'est Dieu dirige les cœurs des rois dans la direction qu'il veut. Les hommes peuvent faire tous les projets qu'ils veulent. C'est Dieu qui dirige leurs pas. Si on regarde comment Dieu parlait à Pharaon en Égypte, Pharaon, Dieu lui disait quelque chose, Pharaon réfléchissait, Pharaon s'endurcissait, et ce que Dieu avait dit arrivait. Dieu l'a décrété, Pharaon est là pour faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'il est volontaire? Non, mais ce qu'il fait, il le fait volontairement. Ce que les hommes font aujourd'hui, ils le font volontairement. Mais Dieu, c'est lui qui gère le plan. À qui les malheurs? Il n'y a personne d'épargné. Personne. Du sacrificateur, c'est-à-dire les prêtres, les religieux, comme le peuple ordinaire. Le maître, le patron, l'employeur, le chef, comme du serviteur, l'employé. De la maîtresse, comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur. Il n'y a personne. Commerce, finance, politique, gouvernement, religion, personne est épargné. Du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit. Personne, sans exception, va être épargné des malheurs qui arrivent. Même les enfants de Dieu qui vivent à cette époque-là vont, d'une certaine manière, vivre l'expérience. Est-ce qu'ils la vivent de la même manière que les non-croyants? J'espère que non. Parce que Dieu a des promesses pour nous. Fait que ce qui se passe sur la planète, ça affecte tout le monde. Est-ce que ça devrait nous affecter de la même manière que ça affecte les autres? J'espère que non. Il faut comprendre pourquoi les malheurs arrivent. Dieu, il fait ça. Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi papa, il dispute les enfants des fois? Pourquoi papa réprimande, je devrais dire, un enfant dans la Bible? Pourquoi papa réprimande un enfant? Parce que l'enfant n'est pas en train de faire ce que papa veut que l'enfant fasse. Pas nécessairement la chose qu'il est en train de faire, mais l'attitude de cœur, la façon dont il le fait, avec quel engagement il le fait. S'il n'a pas le bon cœur, papa va réprimander, papa va redresser, papa va s'intéresser. Un vrai papa, c'est ce qu'il fait. C'est ça que Dieu fait. Les malheurs arrivent à tous les hommes, mais l'Éternel délivre le juste du malheur. Alors, pourquoi les malheurs arrivent à Israël ici? Pourquoi les malheurs vont arriver sur la terre? Pourquoi les malheurs arrivent? Le pays était profané par ses habitants. Pourquoi? Parce qu'ils transgressaient les lois, ils violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Verset 6, c'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. Et il n'en reste qu'un petit nombre. Dieu met toujours un petit nombre à l'écart. Mais ici, personne n'est épargné de ce qui va se passer. L'image que j'avais, c'est quand les Juifs sont pris en Égypte, fait 400 ans qu'ils sont là. Bon, la première partie du temps qu'ils sont en Égypte, c'est Joseph qui est là, qui règne, et tout va bien, ils sont heureux, ils sont bien vus, ils se multiplient et tout. Mais après la mort de Joseph, ça tourne mal. Le prochain pharaon ne se rappelle pas de Joseph. Et le peuple est maintenant esclave. Et là, Dieu va envoyer Moïse qui va venir confronter Pharaon pour sortir le peuple de Dieu d'Égypte et l'emmener dans la terre promise. Et les Juifs ne sont pas plus contents que le reste du monde, là, quand les malheurs tombent sur eux, là, ils subissent toutes les plaies une après l'autre, ils les subissent dans le sens qu'ils voient autour d'eux ce qui se passe. Eux sont épargnés, mais ils voient ce qui se passe. Ils voient les grenouilles, ils voient la grêle, ils voient toutes ces choses-là. Ils sont épargnés, eux, mais ils le voient. Quand l'ange de la mort, dernière des plaies, va descendre sur l'Égypte, tous les Juifs qui ont obéi, qui ont appliqué la loi, qui appliquaient les ordonnances, tous ceux qui ont maintenu l'alliance, c'est-à-dire qu'ils ont mis du sang de l'agneau sur les linteaux de leurs portes, tous ceux-là ont été épargnés quand l'ange de la mort est passé. Mais ils entendaient les cris des gens autour d'eux. Chaque famille, le bétail, chaque espèce, tout a été touché par la mort, sauf les enfants de Dieu qui avaient écouté ce que Dieu a dit. Eux, ils ont été épargnés. Mais ils le voyaient. Ils ont perdu des amis, là. Ils ont perdu plein de choses. En fait, leur monde va te chambarder. Mais il va rester un petit nombre. Et quand Israël va subir ce qu'on lit dans Ésaïe, là, chapitre 1 à 23 jusqu'à date, et 28 et la suite, quand ils vont subir ces choses-là, Dieu va prendre une partie du peuple d'Israël, un petit nombre, puis il va l'envoyer en déportation. Pourquoi? Pour qu'ils servent de témoins pour la descendance d'Israël, pour les générations qui vont suivre. C'est eux qui vont revenir, 70 ans plus tard, leurs enfants vont revenir et ils vont rebâtir Jérusalem, le temple et tout ça, tranquillement. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça ressemble un peu à notre époque? Parce que dans notre époque, on a le christianisme s'est répandu sur la terre depuis, on va dire, ouais, depuis que l'Église existe, là. Mais il y a eu quand même des gens qui se sont, depuis Jésus, mais il y a eu des gens qui se sont mis à part, qui n'ont pas embarqué dans la grande institution du christianisme. Le christianisme, malgré tout ce qu'il a pu faire de mal, en même temps on annonçait l'Évangile, tout ce qu'il a pu faire, a laissé un mauvais message, un mauvais goût dans les nations. Mais l'Évangile a été annoncé. Aujourd'hui, le christianisme sur la terre a une très mauvaise réputation. Ce n'est plus le porteur de l'Évangile. Si on veut parler du christianisme dans le sens, je ne parle pas du christianisme, là, nous, enfants de Dieu, croyants, des chrétiens là, qui ont Jésus dans leur vie, je parle du titre religieux de christianisme. Comme on pourrait parler de l'islam, comme on pourrait parler des dénominations une après l'autre, c'est le nom de christianisme aujourd'hui n'a pas le bon message. Et quand vous voulez vous présenter aux hommes, si vous parlez de christianisme, c'est toute l'histoire, tout ce qui s'est passé qui leur vient à l'esprit. Je suggère qu'on leur parle du Seigneur, de Christ et de ce qu'il fait dans nos vies et de rester sur ce terrain-là. Mais ici, il y a un petit nombre qui va survivre. Matthieu 24 dit, Matthieu 24, 11, je vous le lis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est pas ça qu'on vit présentement sur la terre, je me demande qu'est-ce qu'on vit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, qu'est-ce qui va leur arriver à eux, Israël et les nations de la terre? Qu'est-ce qui va leur arriver? Oups. Puis je me demande qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Le moût est triste, la vigne est flétrie. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. La joie des tambourins a cessé, la gaieté bruyante a pris fin. La joie de la harpe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant. Les liqueurs fortes sont amères aux buveurs. La ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville et les portes sont en ruine. Les portes abattues sont en ruine. Car il en est dans le pays, au milieu des peuples. Comme quand on secoue l'olivier. Si vous secouez l'olivier, là, c'est parce qu'il n'y a plus rien dedans. Presque plus rien. Comme on grappille après la vendange. Après la vendange, là, on vient ramasser s'il reste des affaires, un épi ici, un épi là. On vient glaner là, dans les champs. Puis ça, c'est pour les pauvres. Venez glaner après que la récolte est ramassée. C'est comme ça que ça va être. C'est ça les malheurs qui tombent sur les peuples et les nations. Pourquoi? Parce qu'ils sont détournés de Dieu. Et ici, là, excusez-moi, mais on ouvertement déclare qu'on est enfin libre des chaînes qui nous tenaient dans l'ancienne Église, la religion et tout. C'est de ça qu'on parle. On est finalement, c'est ce que le peuple dit, on est libéré finalement de Dieu. Mais regardez ce qui se passe. C'est intéressant. Mais il y a un petit nom. Ils élèvent leur voix, ce petit nombre-là. Ils poussent des cris d'allégresse. Je sais pas si vous vous rappelez qu'on a lu 1 Pierre tout à l'heure, 1 Pierre chapitre 1. Elle est où notre foi? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit Dieu agir ou on regarde les malheurs des hommes? Ils élèvent leur voix, ils prient, ils poussent des cris d'allégresse. Des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter. Gloire au juste. Le juste qui règle les problèmes, qui établit sa justice. Sur les enfants de Dieu, c'est je vois ce que Dieu fait, je regarde ce qui se passe sur la terre, et plutôt que de me laisser déranger par ce qui se passe sur la terre, je me concentre sur ce que Dieu fait. Je le vois agir. Est-ce que j'aime les circonstances actuelles? Non, pas du tout. Mais est-ce que je vois ce qu'il est en train de faire? Est-ce que je m'attends à ce qu'il va faire? Est-ce que je sais ce qu'il va faire? Est-ce que je mets mon espoir, ma paix? Est-ce que mon âme est paisible? C'est vraiment la question. Le prophète, lui, c'est intéressant parce qu'on part des peuples, des nations, qu'est-ce qu'ils vont vivre? Les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils vivent? Mais le prophète, lui, comment est-ce qu'il se sent là-dedans? Lui, il faut que vous compreniez que c'est son peuple là, qui est affecté. C'est les promesses de Dieu dans un peuple, les promesses faites à Abraham, un peuple qui est devenu puissant, glorieux, qui avait sa place. Dieu était honoré, Dieu les a rendus victorieux, Dieu là, les a bénis, ils étaient dans l'abondance, dans la richesse, tout ça. Ils ont oublié Dieu, mais pas le prophète. Et le prophète, lui, Dieu lui montre ce qui se passe et ce qui va se passer. Alors que bien que, comme le reste du peuple de Dieu, il va glorifier Dieu pour ce qui s'en vient, parce qu'il le voit. En même temps, il vit dans le moment présent et il sait qui il est lui-même. Alors, on pourrait donner plein d'interprétations, mais juste le voir comme ça. Comment je me sens, moi, personnellement, dans un contexte dans lequel on est? Ben, ça se peut que j'aime pas le moment présent, mais je dois garder mes yeux sur le moment à venir. Et si on va à la fin du texte, est-ce que vous êtes tiraillé comme lui de l'époque dans laquelle vous vivez? Est-ce que vous avez hâte au retour de Christ? Est-ce que vous êtes comme Lot à Sodome? Lot, on dit de lui que il était profondément attristé de la conduite des hommes de son époque qui étaient sans frein dans leur dissolution. Lot était affecté. Ésaïe est affecté. Est-ce que vous êtes affecté? Est-ce que vous êtes fâché sur un contre ce qui se passe, contre les autorités? Est-ce que vous avez peur de la maladie? Vous avez peur de la mort? Ou est-ce que plutôt vous êtes paisible, vous êtes calme parce que vous savez ce que Dieu va faire? Et c'est ça ce que Dieu va faire. Il va le faire à certaines époques, mais il va le faire un jour pour l'éternité. Ce qu'il nous est dit, c'est que celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent. Là, le 18 à la fin, le 18 à 23, on est à la fin des temps. Okay? On n'est pas à l'époque d'Ésaïe, là. Ce qui nous parle, c'est ce qui va venir. Puis il y a même une ressemblance avec le déluge, si vous le regardez, là. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent. T'as rien que tu peux faire. Et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle sur son axe. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Pourquoi? Son péché pèse sur elle. Ça, c'est l'humanité. Elle tombe et ne se relève plus. La patience de Dieu, à ce moment-là, est à son terme. En ces temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut. Tant que ce n'est pas arrivé, Satan et ses démons se promènent sur la terre et influencent. Mais il vient un jour où ça va arrêter. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, sur la terre, les rois de la terre. Ils seront assemblés, captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Ici, c'est Apocalypse et on parle du temps du millénium où Satan va être enchaîné, mis de côté. Christ va régner sur la terre avec son Église. Mais après cette période-là, Satan va être libéré et il va se passer la bataille finale. La lune sera couverte d'ombre et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Ça, c'est ce qui va venir. Alors, il faut rester patient envers ce qui va arriver. Plein de passages là, sur ce texte-là, chez les prophètes de l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans Marc et Matthieu, c'est Jésus qui nous parle des mêmes affaires. Dans Apocalypse, c'est Christ qui nous parle des mêmes choses au travers de l'apôtre Jean. Ça va venir, ça va être comme ça. Mais avant que ça arrive, oups, avant que ça arrive, oups, je vais aller là. Avant que ça arrive, les malheurs vont arriver sur la terre. Comment vont se comporter les enfants de Dieu? Comment je me sens moi personnellement dans la situation? Où est-ce qu'il est mon focus? Est-ce que j'ai les yeux sur la restauration? Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui? Dans quel état votre âme? Est-ce qu'elle est paisible? Qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur par rapport à tout ça? Dans toutes les lettres, presque toutes les lettres, en tout cas, celles que Paul a écrites, celles que Pierre a écrites, voici ce qui nous est dit, que la grâce et la paix vous soient données. Est-ce que c'est ça que je vis? Est-ce que c'est ça que je pratique? C'est là que je suis. Parce que c'est ça que Dieu veut pour nous. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Quand on regarde Ésaïe, on peut. Puis c'est intéressant en passant, hein? Il y a différents. Chacun de nous, quand on enseigne, on amène le sujet sous un angle différent, parce qu'on est différent. Mais on a le même esprit. Fait que si vous remarquez, moi, je ne m'en fâche pas tellement dans les détails historiques. Bien que c'est intéressant, là, j'aime bien l'entendre, j'aime bien, je trouve être très clair les enseignements qu'on reçoit, puis ça m'apprend beaucoup de choses. Mais mon focus à moi est vraiment sur comment j'interprète le texte de l'Ancien Testament dans ma vie personnelle aujourd'hui. Et c'est ça que je vous encourage de faire. Et c'est ça. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Dans quel état est votre âme? Est-ce que vous êtes paisible? Est-ce que vous vivez la paix et la grâce qui viennent du Seigneur? Alors, je vous rends le contrôle. Je peux laisser ça à l'écran si vous voulez. Gilles, Landry.